We were three man band. Eh oui, bonjour à Impact Wrestle. C'est oui, on sera trois ce soir et ce ne sera pas Heath Slater, Drew McIntyre et Jinder Mahal, déjà parce qu'on parle de la TNA. Et puis surtout, je crois que qualitativement, bah c'est vrai, j'ai un petit peu moins de cheveux que Heath Slater déjà. Et puis autour de moi, c'est pas non plus la qualité de Jinder Mahal, je pense. À commencer par Sébastien. Bonjour. Salut Brousty, content de faire partie de cette fine équipe qui reste pour la TNA. Eh oui, effectivement, bah, les grands spécialistes, les grands suiveurs, bien sûr. Devant l'éternel. Et puis, bah, du coup, en parlant de suiveurs, peut-être un peu plus occasionnel, mais c'est ainsi quand même qui suit pas mal la TNA et puis qui est au jus, c'est MP. Salut MP. Ben oui, j'ai repris déjà depuis un sacré moment la TNA, mais là, j'ai suivi ce One Night Only et je suis ici pour en parler. Puis moi, je suis pas vraiment qualité Jinder Mahal, je suis plutôt Heath Slater, mais bon, une petite coche au-dessus, Ouais. mais Je pas sens que grand-chose. l'ennemi normal, ça va être moi, oui, d'accord. Par rapport déjà au... Mais bon, enfin, bon, on va fermer ce petit paragraphe. Remarque, je ressemble peut-être un peu plus à Hernandez, mais bon. Voilà. Ben, au programme, donc, il y aura donc le dernier pay-per-view One Night Only Hardcore Justice 2 qui avait lieu vendredi 5 juillet. Enfin, qui était enregistré au mois de mars, mais bon, ça, on y reviendra. Une actualité très chargée parce que dernièrement, bah, il y a eu pas mal de renvois, de départs volontaires, donc pas mal de bazar. Et puis il y a eu aussi le lancement des Bound for Glory Series il y a déjà 3-4 semaines, il me semble, et avec déjà pas mal de bouleversements, bah, déjà des hommes là qui ont pris sérieusement la tête. Donc on va revenir sur ça juste après le jingle. Avec le theme song de Bad Influence. Et donc, on commence par le pay-per-view One Night Only, le troisième de la série, après un petit repos lors du mois de juin, parce qu'il y avait son anniversary. C'est Hardcore Justice 2, donc, qui suivait, on va dire, dans l'ordre Hardcore Justice, qui avait lieu en 2010, qui était consacré à l'ECW. Bon, depuis, il y a eu Hardcore Justice, mais c'était pay-per-view à part entière de la TNA, donc pour ça qu'il a appelé 2, avec un hommage soi-disant Hardcore, ça... Bon, j'en doute un petit peu personnellement, mais voilà, c'était diffusé le 5 juillet dernier, c'était enregistré en mars, donc c'était malheureusement dans l'Impact Zone d'Orlando. Donc déjà sur un petit rendu global sur l'habillage, le lieu Orlando, l'ambiance, vous en avez pensé quoi, Sébastien MP? Oh, c'est toujours l'Impact Zone que je déteste autant. Donc c'est vrai que c'est une petite salle finalement avec une ambiance qui est très particulière puisque ce sont les mêmes fans qui sont là à chaque show. Donc c'est vrai que c'est pas terrible, surtout maintenant qu'on connaît Impact sur la route. Donc on connaît des foules qui sont plus grandes et qui ont plus de respect peut-être pour les catcheurs qui sont présents. Et c'est vrai que le retour dans l'Impact Zone c'est pas quelque chose qui me ravit. Hein. Eh oui, bah, d'autant que ça aide pas non plus particulièrement le spectacle. Et MP avait une petite remarque là sur le chat, sur le rôle de Jérémy Bourrache. Ouais, ben, Jérémy Borash qui était un peu partout pendant ce pay-per-view, qui était aux commentaires, aussi annonçait les participants dans les matchs et faisait les entrevues en backstage. Donc, je pense ils l'ont cloné pendant ce pay-per-view, mais oui, il était un peu partout. Puis, pour réagir un peu à ce que Sébastien disait pour la salle, c'est un peu aussi, il faut se rappeler que justement à l'Impact Zone, c'est pas des fans qui paient pour aller voir le show. C'est gratuit une fois que tu es embarqué sur le site de les Universal Studios. C'est gratuit pour aller voir le show. Donc, c'est pas nécessairement des fans payants comme on a sur Impact quand ils vont sur la route. Donc, c'est des fans qui sont pas. Des fois, c'est des fans occasionnels ou des fans qui vont voir du catch pour la première fois. Donc, c'est pas super. Et je pense que j'ai peut-être même entendu une mouche voler pendant le pay-per-view. Ah oui, bah ça c'est souvent, oui, effectivement. Bon, après on peut pas en vouloir parfois aux gens sur certains matchs. Mais bon, voilà, c'est une erreur malheureusement. On connaît l'Impact Zone. Bon, maintenant c'est fini. Et puis, bon, on va se Et taper non. ça encore. Non, ben oui, je sais, on va se taper ça encore sur les prochains One Night Only qui seront pour certains plus intéressants que d'autres. Donc, bon, ça on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais dans l'immédiat, on va commencer par le premier match très très excitant, un Street Fight Tag Team Match entre la New Church de Slash et Sin Body contre LAX, Homicide et Hernandez. Un match qui a duré 9 minutes 49 secondes. Ouais, c'est le chrono de la cloche et la cloche artisanale. Et la victoire de LAX, bien sûr, enfin, on va dire en toute logique, l'équipe la plus jeune, la plus forte à la TNA. Et qui était réuni entre 2006 et 2008. Et depuis, bon, Homicide est plutôt agent libre, mais là, il s'est rejoint à Hernandez. En face, petite précision, New Church, c'était un clan qui existait entre 2002 et 2003. James Mitchell, qui était le manager. Slash était des tout débuts du clan avec Tempest et Malice. Puis après, il y a eu des noms comme Shane Douglas, Vampiro, Brian Lee, Mike Awesome, Cobain. Et Sin, donc c'était Slash qui était champion NWA par équipe à LI. Et dernière précision, Sin Body, c'est Kizarni. Vous avez vu à AEW entre 2007 et 2009. Voilà. Donc, qu'as-tu pensé de cela, Sébastien? Moi, j'étais déjà très content de revoir l'équipe de LAX se former, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui m'a toujours plu dans le passé. Je suis un gros fan de Homicide, par exemple. J'étais pas content dès qu'il était parti, mais bon, c'est vrai qu'il avait pas forcément la faveur des officiels, donc on peut comprendre son départ. Mais cette association ce soir-là avec Hernandez, c'est vrai que on a l'impression qu'ils étaient un petit peu rouillés tous les deux ensemble. Ça fait très longtemps qu'ils n'étaient plus dans la même équipe, parce qu'il y avait plus l'alchimie que je ressentais dans les années passées entre ces deux-là. Après, faut dire aussi que l'équipe d'en face, personnellement, je ne la connaissais pas. Ça fait partie des équipes dans laquelle je ne suivais pas encore la TNA à cette époque-là, donc que je ne connaissais pas. Mais c'est vrai que le match m'a pas énormément emballé, on va dire. C'était censé être du street fight. On a vu quelques objets qui sortent de l'ordinaire, mais c'était pas non plus incroyable comme match. Ça a fait ce que ça avait à faire pour un opener, mais c'était pas dingue. MP? Ben, je rejoins Sébastien. Moi, je pense que j'ai failli m'endormir ce match-là. Je crois pas. Je pense que si j'aurais été un peu plus fatigué, j'aurais pu dormir. Mais il y a eu quelques beaux brawling avec à l'extérieur, avec justement ce que disait Sébastien, là, les panneaux de signalisation, la barricade. Mais c'était un match qui était plutôt moyen. Puis environ une durée de 10 minutes. Puis je trouve qu'on n'a pas réussi à réchauffer la foule. C'est d'ailleurs le but de l'opener justement. Puis j'étais un peu déçu. C'est pas nécessairement aussi des gars que je connaissais comme New Church, bon, à part Kizarni, un peu sur son run à la WWE, mais sinon c'est pas nécessairement des mecs que j'apprécie, que je connaissais, par exemple Slash, je l'avais jamais vu parce que je suivais pas la TNA à cette époque-là non plus comme Sébastien. En fait, je suivais pas le catch du tout, puis c'est ça. LAX, comme dit Sébastien, il manque un peu de... Il y avait pas la même alchimie que d'antan, puis je sais pas, Homicide, c'est pas un mec que, je sais pas, depuis les dernières années, il me semble qu'il était sur une pente descendante depuis qu'il avait fait son retour à la ROH et tout, donc c'est pas nécessairement un mec qui est intéressant de ramener en ce moment, en tout cas. Ouais, ben oui, je suis d'accord, c'est vrai qu'il est un peu rouillé, ben, comme le disait Sébastien, il semble aussi. C'est vrai que la déception, c'est bien Alex, parce que pour les deux autres, il n'y a pas beaucoup d'attente. J'ai été assez agréablement surpris par Slash, quand même, qui a l'expérience, il a quasi 40 ans, mais bon, ça va, il est pas rouillé du tout. Enfin, il me semblait assez bien à l'aise, c'est lui qui a amené les moves, voilà. Bon, et Kizarni, Sin Body, pardon, fidèle à lui-même, a des tenues extravagantes, mais bon, pour une fois, ça va, il s'est pas trop fait remarquer en nullité, donc ça passait. Donc, si personne a quelque chose à rajouter, on peut passer à l'excitante suite. C'est parti pour la suite. Avec un hardcore match féminin. Eh oui, c'est assez rare pour être souligné. Et là, c'est assez exceptionnel aussi. Qui opposait ODB à Jackie Moore. Qui a duré 9 minutes et 16 secondes quand même. Remporté par ODB. Alors, petite précision. Bon, ODB, bon, évidemment, on la connaît, elle est régulière. Elle est surtout arbitre des knockouts actuellement à TNA. Et Jacqueline Moore, elle, en 2007, elle était la manageuse de James Storm. Puis ensuite, manageuse de Beer Money, quand Bobby Roode s'est joué à James Storm, jusqu'en 2009. Mais niveau catcheuse, alors qu'elle approche de la cinquantaine, elle a quand même déjà une expérience assez solide en match costaud, parce qu'elle était le premier match en cage féminin à Lockdown en 2007 qu'elle avait perdu contre Gail Kim, contre qui elle était en rivalité croisée avec associée à James Storm. Et ensuite, elle a disputé un street fight où elle avait perdu quelques dents, donc pour dire qu'elle était quand même habituée à des trucs durs. Et elle était revenue aussi après le 13 juin 2011 avec ODB. Les deux étaient en heel, elles étaient pas sous contrat, elles attaquaient Velvet Sky. Et puis en fait, après, bon, bah, elles ont eu un contrat, mais ça a pas duré longtemps pour Moore qui était parti dès septembre. Donc voilà. Et qui a eu un bon palmarès aussi à WWE, championne cruiserweight une fois, deux fois championne féminine. Donc un bon CV, mais là malheureusement le match était peut-être pas excellent. Je sais pas ce qu'en pense MP. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on a vu de ce que tu as parlé de toute l'historique entre ces deux-là, justement, ces deux compétiteurs. On a eu un petit vidéo avant le match. Je trouvais ça, je trouvais que c'est un bon ajout de la part de la TNA d'ajouter ces petites vidéos-là. On a vu plusieurs, justement, durant le pay-per-view, pour plusieurs matchs, justement, pour résumer l'historique de certains matchs hardcore, comme le Monster Boss, plus tard qu'on va voir. Mais c'est une belle petite touche que j'ai bien aimé. De ce côté-là. Sinon, ben, je trouve que c'était meilleur que le premier match, déjà. Mais c'était pas un grand match. Il y a eu plusieurs objets plutôt insolites qui ont été utilisés, comme la crème solaire, la vaseline, le balai, le voile, des produits pour les cheveux, la poudre pour les pieds. J'en ai noté quelques-uns, justement. Mais ouais, je trouve que peut-être qu'on s'est un peu trop perdu là-dedans. Je pense qu'on aurait peut-être dû utiliser les objets, les plus normaux, là, comme les Singapore Cane ou les poubelles. Puis en tout cas, c'est pas été un grand match selon moi. Pas eu beaucoup d'action, mais c'est, je veux dire, pour un deuxième match, j'ai pas été hyper déçu non plus, mais surtout vu les deux noms, là, je m'attendais pas à un grand match non plus, mais c'était pas super. Et Sébastien a adoré le côté hardcore. Adorer le côté hardcore, je sais pas trop où tu le vois le côté hardcore, parce que ouais, pour moi c'est plutôt vraiment un match que j'assimilerais à de la comédie, en fait, peut-être du hardcore second degré, parce qu'il y a pas vraiment de prise au sérieux entre les deux catcheuses même, et j'ai l'impression que c'est plus un match qui a été placé là pour faire respirer la foule, alors que c'est que le deuxième match. Ça m'a un petit peu surpris de ce côté là Après, en même temps, voir ODB et Jackie Moore sur le même ring se battre avec des objets, ouais, c'est pas vraiment ce qui m'attire au premier coup d'œil, on va dire. Hein. Moi, j'ai pas aimé ce match et je suis passé rapidement à la suite. Mais ouais, non, mais ça se comprend, ouais, parce que c'est vrai que les matchs féminins, bah, déjà, on voit encore. Ouais, bah, là, c'est sûr que là, c'était assez guignolesque, comme tu le disais, ouais, ça c'est sûr. Si on va avoir un bon match, justement, hardcore, on a celui entre Gail Kim et Taryn Terrell, qui est un Last Woman Standing, qui a été plutôt cette année. Puis on a même eu le ladder match à Impact hier, qui est d'une très bonne qualité aussi. Donc, je pense que c'est mieux d'aller de ce côté-là. Et oui, pour avoir. Oui, aussi. C'était beaucoup plus hardcore, parce qu'effectivement, oui, tu parlais du ladder match. Taryn Terrell a tweeté après des photos de sa jambe qui était couverte de bleu suite à le figure fort que Gail Kim a exécuté contre l'échelle. Non, c'est vrai qu'on peut saluer les performances de Taryn Terrell et Gail Kim qui se sont vraiment données à fond pour la série de matchs à Slammiversary et le ladder match de Impact. On peut le voir, ouais, comme tu l'as dit, aussi sur les hématomes qu'ils ont un petit peu partout sur le corps. Mais c'est vrai que ça fait plaisir à voir un tel engagement dans un match féminin, chose qu'on ne voit plus dans d'autres fédérations. Ah oui, c'est pour ça que là, tout à l'heure, j'aurais tracé l'historique. Moi, j'aurais trouvé plus une logique à faire un match entre Gail Kim et Jackie Moore, parce qu'au début, là, je comprends pas trop. Je sais qu'elles étaient il y a pas longtemps associées, mais bon, voilà. Mais l'histoire des matchs sévères, la Street Fight et compagnie, c'était à Gail Kim. C'est pour ça que j'ai pas compris. Enfin bon, ça aurait été meilleur, je trouve. Mais bon. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de décisions qui sont surprenantes dans ces One Night Only. On va le voir plus tard avec certains catcheurs qui ont fait leur retour, qui ont été un petit peu étonnants, je trouve. Eh oui, mais ça ce sera dans deux matchs. Donc s'il n'y a rien à rajouter, on peut passer à l'OVNI, je crois, du show. Oui, on peut passer au match le plus intéressant, je pense. Oh, très loin, oui. C'était un ladder match par équipe entre Bad Influence, le Kazarian et Christopher Daniels, qui affrontait Generation Me, qui était de retour. Ils avaient déjà vu dans le tournoi par équipe précédent, Joker Wildcard Tournament, où ils avaient passé un tour et puis ils avaient été éliminés ensuite par Team 3D. Donc c'est Max et Jeremy Buck, faut pas trop s'en mêler parce que sinon c'est habituellement les Young Bucks, Matt et Nick Jackson. Le match a duré 13 minutes et 30 secondes, ce dommage, ça aurait pu durer plus longtemps, mais c'est déjà pas mal. Et remporté par Bad Influence, et qui a ainsi remporté 20 000 $ quand même, qui était mis en jeu. Ce qui est plutôt pas mal, et puis qui récompense une excellente activité, je pense, dans ce match. Je sais pas ce que t'en penses, Sébastien. Bon, précisons tout de même que les 20 000 $ ne sont pas vraiment attribués, c'est plutôt une gimmick pour le match, pour les donner de l'intérêt, hein, faut peut-être le préciser. Sinon, vous pouvez rêver, c'est pour ça. Je vois mal la TNA sortir 20 000 $ comme ça, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc pour revenir au match, c'est vrai que c'est difficilement contestable de dire que c'est le match de la soirée. On s'est pas ennuyé du début à la fin. Deux équipes qui sont très très très très bonnes, notamment Generation Me. J'ai toujours des regrets de les avoir vus partis il y a de cela maintenant 2 ans, sans avoir été une seule fois champion par équipe. C'est vrai que je trouve qu'ils le méritent amplement, mais malheureusement ils n'ont pas les bonnes grâces des officiels. Hein, que voulez-vous que je vous dise de plus? Ouais, sinon le match, je retiendrai surtout le spot. Le fameux spot où je crois que c'est Jeremy Buck qui tombe d'une échelle, qui prend appui sur les cordes et qui fait une espèce de 50 splash à l'extérieur. J'ai eu du mal sur ce coup, qui retombe sur Daniel. C'était vraiment le gros moment du match. Une innovation complète, je crois que ça n'a jamais été vu, enfin, ce genre de mouvement avant. Donc il y avait aussi pas mal de recherches, ouais. C'est ça qui était intéressant. Et MP, donc tu t'es régalé, j'imagine. Ben, je suis d'accord avec vous. Pour ce match-là, j'ai trouvé ça super, surtout que Bad Influence n'était pas encore tenant. Ben, ils étaient là, mais l'équipe n'était toujours pas formée, je pense, quand Jim Jeremy s'est en allé de TNA. Puis là, on l'a formé un dream match, quoi, qu'on n'avait jamais vu. Donc, je trouvais ça intéressant de pas nécessairement faire renaître une rivalité, mais d'en créer une nouvelle, quoi. Oui, d'ailleurs, le spot de Sébastien qui a mentionné, je trouvais que c'était le meilleur moment du match. Il y avait aussi des beaux spots, par exemple, quand au début du match, justement, Kazarian a fait un beau cutter de l'échelle. Je trouvais ça un très beau spot que tu peux penser, par exemple, qu'il y aurait eu dans les grands TLC dans les années 2000, même si c'était pas au même niveau de qualité, surtout par le manque de longueur du match, mais je trouvais que c'était vraiment un grand match, puis c'est un peu ce qui a sauvé le show, quoi. Et oui, puis on a vu aussi pas mal de travail d'évitement aussi des échelles, notamment par Jeremy Buck, qui s'est pas mal illustré sur ça. Donc, des phases assez inédites quand même, et puis il y avait pas mal de vivacité, ils se sont bien engagés. C'est vrai que c'était un dream match qu'on attendait, et puis qui a fourni, on va dire, ce qui était attendu. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème. Puis aussi, je trouve qu'ils n'ont pas hésité à justement essayer d'aller chercher le contrat rapidement. Des fois, dans les ladder match, du côté psychologie, des fois, on essaie trop de justement faire le spectacle, mais on garde pas le côté réaliste en essayant de chercher le contrat. De ce côté-là, le côté de psychologie, c'était bien réussi aussi parce qu'on essayait souvent d'aller chercher le contrat, puis ça menait souvent les bons spots au niveau de l'échelle. Donc, je trouve ça bien de ce côté-là aussi. Et Sébastien, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est malheureux parce que dès que les matchs sont très bons, on a en général peu de choses à dire, mais c'est encore le cas cette fois-là. Et oui, sur le prochain, je sens qu'on aura plus de choses à dire, déjà pour présenter. Il y a déjà pas mal de monde. Mais ce match-là, vous pourrez aussi le retrouver sur Instant Catch, commenté par moi-même et Vincent, juste cet après-midi, tiens, donc c'est tout frais. Voilà, je pense que vous allez vous régaler. Par contre, je sais pas sur le suivant, il est pas dans l'instant catch, ça c'est sûr, je vous le dis d'avance. C'est Gauntlet Hardcore Match qui opposait alors 1, 2, 9 hommes, oui c'est bien compté, ouais, c'est ça. Sacré mélange, avec dans l'ordre d'apparition, c'était ils rentraient toutes les 2 minutes. Donc d'abord Devon Storm et Little Guido ont commencé. Alors Devon Storm, petit truc, son nom habituel c'est Crowbar d'habitude. Il est passé déjà à TNA sous le nom de Tempest tout à l'heure, dont je vous ai parlé, qui est passé dans New Church et qui a été champion hardcore à WCW. Il y avait aussi donc Little Guido, lui, pas mal connu sous le nom de Nunzio évidemment, qui illustré à l'ICW et qui était en 2010 du pay-per-view Hardcore Justice et qui ensuite était dans le clan Ivy 2.0 donc et ensuite même à la Rikaki, donc il est toujours resté un petit peu à TNA. Ensuite bon, on va passer rapidement, donc Crimson, Sam Shaw, Johnny Swinger qui lui était aussi un ancien de la TNA, qui était en équipe avec Simon Diamond. Donc voilà, rien de plus à dire de spécial. Qui a été champion par équipe quand même, c'était entre 2003 et 2005. Ensuite, Funaki, alors lui c'est l'invité spécial parce qu'il n'est jamais allé à la TNA, aucune histoire à la TNA, bien sûr, ben, on le connaît de la WWE où il a été hardcore champion. Ensuite, on a Gunner, donc le tout frais, assez récent champion par équipe, qu'il était tout juste, je crois, limite à l'époque, en tout cas ils en parlaient aux commentaires, donc bon, je pense qu'il était. Un retour, Too Cold Scorpio, l'ancien High Flyer de l'ICW qui était aussi au pay-per-view Hardcore Justice en 2010. Et puis enfin, le dernier arrivé et puis ben, premier servi finalement, Sharkboy, c'est lui qui a gagné donc sous la gimmick de Stone Cold Steve Austin, celle qu'on lui retrouvait tout récemment lors de quelques récentes apparitions, parce que c'est un peu, sans faire le jeu de mots, mais c'est un peu un serpent de mer. Et le match à l'arrivée, bah, ça a été le plus long, il a duré 19 minutes 26 secondes et donc remporté par Sharkboy. Donc Sébastien, qu'as-tu pensé un petit peu de ce modèle de gauntlet, peut-être? Ouais, non, honnêtement, moi j'ai eu l'impression de voir un mauvais main event de mauvaise fédération indie aux États-Unis. C'est vrai que la liste des catchers ne fait pas du tout rêver pour ce show hardcore. Je m'attendais plus à voir d'autres légendes du catch hardcore, comme par exemple Raven ou encore Tommy Dreamer qui ont été à la TNA à une époque. Et là, on se retrouve avec des gars qui, soit c'est des jobbers, soit c'est des petits lutteurs qui ont une toute petite notoriété. Donc c'est vrai que ouais, j'ai pas été content de cette liste de participants. Après, le match en lui-même est beaucoup trop long pour ce qu'il devrait être. Et surtout, j'ai vraiment eu du mal à m'intéresser à ce qui s'est passé dans le ring. Et même la victoire de Sharkboy m'a surpris, parce qu'en général, la TNA fait gagner dans les One Night Only des catcheurs qui sont dans la compagnie, alors que Sharkboy n'y est plus officiellement. Mais c'est aussi le coup du poisson que je retiendrai qui m'a fait un léger sourire. Mais c'est vrai que le match en lui-même est plutôt mauvais. Ah oui, d'ailleurs, il y avait un petit chant de public sur le petit requin. Hein. Je l'ai plus en mémoire là, mais c'était assez marrant. Oh les fiches, oh les Ah voilà. fiches. Ah ouais, non, ça c'était tordant, ouais. Mais c'est vrai que c'est particulier. C'est vrai, moi j'aurais vu Gunner, mais apparemment il avait pas un statut face dans ce match. C'était même associé à Crimson sur la fin, j'ai pas compris. Bon, je sais bien que les deux, ils ont déjà été associés brièvement, je crois, par le passé. Mais bon voilà, après c'est sûr que le truc bizarre, il y a eu deux virées dont on en parlera plus tard, et puis bon, des gars qui sont pas apparus, certains cramés, et puis le rythme, les entrées toutes les 2 minutes, c'est vrai, ça donne pas un gros rythme. Donc bah le Holy Fish, qu'en as-tu pensé, MP? Moi, j'ai pas autant détesté que vous. Je pense que c'est surtout un match à prendre quoi, au deuxième degré ou même troisième degré, parce que t'as des Funaki, t'as des Sharkboy là-dedans. Plutôt un match comédique. J'ai pas autant eu de problème avec ce match-là. C'est sûr que c'était un peu long, là, je vais l'avouer, parce que faut que tu fasses rentrer 9 personnes dans le match aussi, là. Mais ça a pris du temps à prendre du rythme, mais une fois qu'on était rendu au dernier entrée, je trouve que c'était mieux, surtout de revoir Too Cold Scorpio. Moi j'ai bien aimé, parce qu'il peut encore lutter, hein. Il peut encore faire des trucs sympas, mais ouais, c'était pas un grand match, je dois l'avouer, mais j'ai bien aimé revoir des Sharkboy, Too Cold Scorpio, Funaki. De ce côté-là, je trouvais ça plaisant. C'était un match un peu pour se détendre entre deux matchs, quoi. Mais c'est sûr que si on veut chercher un match de lutte en tant que tel, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Mais pour voir un peu de comédie, ben j'ai pas eu le temps, j'ai pas été J'aurais pas été déçu de, du côté comédie, quoi. Hey, j'ai oublié d'ailleurs, Jérémy Borash, on peut voir qu'il a été vraiment cloné dans ce match-là, puisqu'il faisait les commentaires et devait annoncer les entrées et les ceux qui étaient éliminés. Donc, des fois, on avait Jérémy Borash qui parlait aux commentaires, 2 secondes après, il devait annoncer un mec. Donc, on voit vraiment la magie de l'enregistrement. Ah oui, parce que ça c'est sûr. À lui chapeau, hein, parce que même dans les autres shows, on le voit tout faire, annoncer, tout faire. Lui, c'est incroyable. Il se charge même de lancer les musiques et tout. Alors, phénoménal. D'ailleurs, petite anecdote concernant Borash, c'était le pire Kemner qui a monté le show de télé-réalité là. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais le truc qu'il y avait entre les compétiteurs en Angleterre là. British Bootcamp. Ouais, c'est lui qui montait tout le show avec un ordinateur, justement. Il s'occupait pas juste, justement, de participer à l'écriture ou tout ça. C'est vraiment lui qui, presque, montait de A à Z, quoi. Donc, quand on voit que la TNS, c'est quand même un petit domaine, quoi. C'est pas non plus la WWE qui a des équipes assez énormes pour écrire les shows. Par exemple, du côté créatif, on a plusieurs équipes de scripteurs avec... plusieurs niveaux, par exemple, t'as les scripteurs en chef, t'as les scripteurs qui font juste écrire, par exemple, une version, un brouillon du show, puis après c'est vérifié par plusieurs autres équipes, mais là, du côté de la TNA, c'est quelques personnes qui participent justement à l'écriture de A à Z d'un show, quoi. Ah oui, surtout que là, c'est vrai qu'il y a des gars qui ont énormément de responsabilités. Et puis Borash, il y en a encore plus, parce que depuis que Todd Kenley n'a plus été reconduit bizarrement au poste de commentateur, c'est vrai que ça lui donne à chaque fois, il est un peu obligé d'être encore plus présent chaque semaine. Donc, chapeau à lui, quoi. En tout cas, j'ai été ravi d'apprendre que c'est lui qui faisait les commentaires plutôt que Taz. Parce que sur le dernier enregistrement de One Night Only, on peut se dire qu'il était assez insupportable. Oh oui, c'est vrai qu'on l'avait remarqué d'ailleurs. Je me rappelle lors du podcast qu'on avait fait sur le pay-per-view Extravaganza là, qui était consacré à l'X-Division, c'était une catastrophe. Ouais. Dans ce rôle de membre des Season 8, ce clash dans tous les sens. Mais enfin bon. Non, mais là c'était mieux. Voilà, les commentaires au moins ils étaient bien sérieux. Donc, s'il n'y a rien à rajouter, on peut passer au match suivant. Avec le chouchou de beaucoup, je crois, dans l'équipe. on va y passer. Donc, c'est le match par équipe 3 contre 3. C'était un match par élimination entre d'un côté les Season 8, ce qui était représenté par Nox, Wes Briscoe et Doc. En face, il y avait James Storm, Magnus, et puis alors le complet intrus qui a été appelé, on va dire, entre guillemets, dans la story par James Storm. Bob Holly, celui qui a été 6 fois champion de corps à la WWE, qui est très controversé et puis qui voilà là a débarqué. Et à l'arrivée, l'équipe James Storm, Magnus et Bob Holly l'a emporté. James Storm était le dernier restant et il a donc battu par tomber finalement Doc. Finalement, c'était 2 capitaines d'équipe, il me semble d'ailleurs. Et le tout au bout de 12 minutes 53 secondes. Je me demande qu'est-ce qui aurait pu être pire entre Chris Harris et Bob Holly, mais je sais pas quoi décider. Il y en a un, c'était l'ancien de la TNA, donc il aurait pu avoir plus de... C'est vrai, Chris Harris aurait pu être là d'ailleurs, ça aurait été plus sympa je trouve, à James Storm. Mais bon, d'ailleurs qu'as-tu pensé du match MP? Moi j'ai été... Je trouvais que c'est un match très mauvais, quoi. Justement... À la fin, je sais pas si on... t'as pas parlé des éliminations, mais... Oui, c'est vrai qu'ils sont tous faits... Ils sont tous faits éliminés en même temps, quoi. Après, là, 45 secondes, les 4 autres, ils se sont éliminés les uns après les autres. C'est fou, ça. Et puis, avec un rythme linéaire, hein, c'est un d'une équipe, un de l'autre. Enfin, voilà. C'est vrai que là, c'est... Tu parles d'une mauvaise utilisation d'une situation, quoi. C'est l'exemple parfait, je pense. Et sinon, ouais, c'est un match plutôt ordinaire, quoi. La même recette que d'habitude, t'as Magnus qui se fait battre dans un coin, quoi, pendant presque tout le match. Puis finalement, t'as le retour des faces avec le tag. Puis c'est ça, ils s'éliminent un après l'autre. Puis finalement, t'as James Storm qui fait son last call super kick sur Doc pour gagner le match. mais c'était pas un grand match non plus. 12 minutes, puis il n'y a pas grand chose de mémorable dans ces 12 minutes. Il y a peut-être l'Alabama Slam de Holly sur Knox que j'ai trouvé peut-être un peu spectaculaire, parce que quand même Knox c'est pas un mec léger, mais sinon il y a pas grand chose à retenir de ce match-là, sauf peut-être les lunettes de Doc que j'ai trouvé pas mal. Je trouvais que ça faisait bizarre de voir Doc avec des lunettes. C'est pas mal ça. Ça faisait délurer, oui. Et Sébastien, quand tu pensais de ce match qui mettait quand même en scène le clan principal avec face à deux hommes en feu, en tout cas actuellement à Tiné. Ouais, ça m'a pas emballé non plus, hein. C'est à l'image du retour de Bob Holly. J'étais assez indifférent finalement, parce que je me rappelle aussi la fin de match, c'était une fin de match qui était similaire à celle qui avait lieu à Lockdown, je crois. Il y avait un match à quatre équipes et c'était un match assez long et finalement elle s'est terminée sur une succession d'éliminations en quelques secondes et c'était la même formule qui a été utilisée ce soir-là à One Night Only. Et c'est vrai que à part une victoire de Storm encore une fois à One Night Only, j'ai pas vraiment apprécié le spectacle, hein. Je sais même pas trop quoi dire là-dessus. Ah, une petite remarque sympa d'MP, oui, que Bob Holly, c'était surtout pour faire sa promo finalement qu'il est venu, quoi, pour son livre. C'est oui, une autobiographie ou... Un petit chèque facile, 12 minutes dans le ring, et puis t'as une belle pub pour ton livre, quoi. C'est, pas, mais... c'est quoi comme livre, une autobiographie ou... Oui, c'est une autobiographie d'ailleurs qui est en vente un peu partout sur le web d'ailleurs. C'est un livre qui raconte un peu son parcours vu par lui, quoi. Par de ses nombreuses disputes des fois qu'il a eu. Par exemple, l'incident avec Tough Enough qu'il avait eu, je pense, dans Tough Enough 2. Enfin, je ne sais plus trop. Mais ouais, c'est ça, il en parle des incidents qu'il a eu dans sa carrière et tout. Donc. C'est bien. J'ai entendu des belles choses, des belles critiques de ce livre-là. Donc, peut-être le lire un jour. Alors, un personnage particulier, c'est sûr. Il vaut mieux pas être en face de lui, pareil. Mais ouais, non, mais sinon, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à vous. C'est vrai que j'étais déçu du manque de rythme et surtout ça. Et puis, de la stipu qui était assez mal employée. Voilà. Donc, on peut passer à la suite, je pense. Ouais. Avec un Monsters Ball match, le match par corps signature de la TNA. Bon, le gros problème, c'est que celui qui est tout le temps engagé dans ce genre de match, il était à la fois là, mais pas vraiment là, parce qu'en fait, c'était Joseph Park et pas Abyss. Et qui retrouve. Oui, vas-y. Ouais, désolé de te couper pour aussi, mais j'ai pas compris de pourquoi on a utilisé Joseph Park à la place d'Abyss, là, mais. Ça m'échappe toujours après avoir vu ce pay-per-view. Et ils ont essayé de vendre ça en plusieurs fois, en fait, parce qu'au lancement du pay-per-view, en coulisses, c'était James Mitchell, l'ancien grand manager, pour moi d'ailleurs, je pense que vous allez sûrement être d'accord, moi Sébastien, je sais pas si MP t'as connu trop cette période, je pense pas, mais lui c'est sûrement le plus grand manager qu'il y ait eu à la TNA, avec ouais. Peut-être coach d'Amore dans un autre genre bien sûr, manager de la Team Canada, et là qui était venu à Judas Messias, et il voulait en fait refaire la rivalité d'il y a 5 ans avec Abyss, et il demandait t'as intérêt à ce que ce soit Abyss qui soit là, sinon c'est toi qui vas y aller sur ring. C'est comme d'accord, ça. Mais d'ailleurs j'ai déjà vu cette la période que j'ai commencé à suivre le catch, c'est d'ailleurs la période où on a eu cette feud là, donc je suis quand même assez familier avec cette feud-là, puis je suis d'accord avec ta remarque aussi de James Mitchell, c'est un mec que j'adorais voir parce qu'il est très convaincant dans son rôle, puis c'est un mec qui vraiment prend le personnage à cœur, quoi. Ah oui, déjà on l'avait vu donc manager de la New Church au tout début, mais là il avait atteint un maximum en manager d'abord Abyss et après plusieurs catcheurs, dont Judas Messias, le Mexicain, qui maintenant s'illustre à la A où c'est une pure légende. Pour revenir rapidement au match, elle a été remportée par Joseph Park après 12 minutes et 19 secondes. Alors pour la petite histoire, rapidement, le personnage de Judas Messias s'était révélé être dans la story le demi-frère d'Abyss, dans une histoire révélée par James Mitchell. Ça avait donné une rivalité extrêmement sanglante avec un match hardcore à Final Resolution 2007 que Messias avait gagné. Puis ensuite, Against All Odds, pour commencer 2008, il avait eu un Barbed Wire Massacre match, voilà, en anglais. Et Abyss avait gagné, mais avec beaucoup de sang, comme on l'a pu voir dans le clip vidéo de présentation. D'ailleurs, ça changeait un petit peu du match. Je sais pas ce que t'en as pensé, Sébastien, du match en lui-même. Ah bah, ce Monster Balls match était à l'image du pay-per-view, c'est-à-dire c'est du hardcore plutôt léger. C'est vrai que j'avais suivi aussi cette rivalité en 2008 avec Abyss et Messias. Et là, c'était véritablement du hardcore avec du son, l'utilisation de punaises, de barbelés, de glace brisée également, je crois. Et ça, c'était une époque extrêmement violente qui avait mis la TNA sur la carte du monde hardcore, j'ai envie de dire. Et là, ce soir-là, c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé ce qui nous avait fait plaisir il y a des années auparavant. Mais bon, en même temps, avec Joseph Park, on peut pas. Enfin, ça change complètement la physionomie du match, hein, puisque Joseph Park est censé être un avocat qui est encore un petit peu débutant, etc. Donc, il peut pas se mettre à sortir des manœuvres extrêmement dangereuses et hardcore comme son frère Abyss. Il y a eu quelques petits clins d'œil sympas, avec notamment le coup de la râpe à fromage là qui m'a fait un petit peu sourire. Mais c'est vrai que globalement j'étais déçu que ce soit Park et pas Abyss qui était choisi, et on connaît encore une fois revu la même fin habituelle, c'est-à-dire que Joseph Park commence à saigner, tout d'un coup il se met en transe et il parvient à terrasser son adversaire. Ça, c'est un coup qu'on a vu et revu, et on l'a encore on y a encore eu le droit cette fois-ci, et c'est vrai que c'est assez répétitif au final. MP, t'as en pensé quoi? Je suis pas d'accord avec Sébastien, puis je trouve qu'aussi c'est. On l'a appelé un Monster Buzz match, puis on a eu une belle vidéo là-dessus sur les autres Monster Buzz. Puis là, ça souffre nécessairement de la comparaison avec les autres, quoi. Parce que c'est pas du tout le même style de match, c'est plutôt. Avec Joseph Park, on a plutôt des matchs de comédie un peu, sur le coup de la rap à fromage notamment, comme Sébastien a mentionné. Mais ouais, c'est ça, c'est un peu une autre catégorie de match, justement, puis c'est. C'est un peu dommage, parce que là, on cherche vraiment du hardcore dans ce pay-per-view-là, on cherche pas nécessairement de la comédie. Enfin, surtout qu'on avait déjà eu avec l'autre match d'avant, donc peut-être un peu trop de comédie, et on cherche le hardcore là-dedans, quoi. Mais c'est vrai que j'ai cette même déception que vous de pas avoir vu Abyss, bien sûr. Mais après, compte tenu des paramètres du match, c'est vrai que j'avais une attente assez basse, et finalement, bon, j'ai pas non plus détesté quoi le match. C'était plutôt sympa, on va dire, avec un Joseph Park plus appliqué que d'habitude. Après, c'est vrai que le schéma habituel, bon ben voilà, c'était écrit. Et puis Sébastien, tu ciblais les râpes à fromage, avec notamment Joseph Park qui adorait cibler l'entrejambe de Messias. Je sais pas pourquoi, c'est une obsession de l'émasculer complètement. Donc voilà, après, c'est vrai que jusqu'au bout, même à l'après-match, là, il enchaîne avec James Mitchell qui monte sur le ring et qui le provoque, et puis qui se prépare à faire le choc slam, et puis d'un coup qui revient à ses esprits. Ça, on l'a vu déjà plusieurs fois dans les shows weekly, donc bon, c'est classique, quoi. Et en fait, pour moi, ce match-là, il était un peu symbole du pay-per-view, dans le sens où ça aurait pu être hyper hardcore, comme on l'a déjà vu là, entre ces deux hommes. Et évidemment, avec une gimmick différente de Park, c'était différent. Et puis finalement, hardcore, mais sans l'être finalement. Ça a voulu être hardcore, ce pay-per-view, mais ça l'a pas trop pété. Ça, c'est le symbole pour moi. J'ai l'impression aussi que ce match-là souffre un peu de la qualité des autres. Parce que si, par exemple, les autres matchs auraient été meilleurs, ce match-là, ça aurait été quand même un petit moment de détente peut-être entre les matchs. Mais finalement, vu que tous les autres matchs étaient plutôt moyens, ben là, c'est... Ce match-là, il reste dans la qualité des autres, quoi. Il se démarque pas, puis on a hâte qu'il se finisse, quoi. Bon, d'ailleurs, c'est vrai que ça lance, on dit tout le temps en général que la qualité du premier match parfois lance la qualité du pay-per-view. Là, c'était pas trop le cas. Il y en a eu un excellent au milieu, mais voilà, après, ça a pas trop suivi. Donc, après, ça a atteint, à mon avis, le main event dont on va parler. Si Sébastien, quelque chose à rajouter, peut-être? Non, c'est bon, on peut passer au main event. Dans le main event, c'était un tables match entre la Team 3D. On croyait que c'était arrêté, mais finalement, ils la reprennent pour quelques occasions. Déjà, lors du fameux pay-per-view, la dernière fois, Joker's Wildcard Tag Team Tournament. Et donc, Bully Ray et Devon, les deux comparses des Season 8. affronter Brother Rentus, plus connu sous le nom de Spike Dudley sinon, mais Brother Rentus, c'est son identité à la TNA qu'il avait eu déjà à l'époque où il était associé à Bully Ray et Devon. Et bah, il a évidemment un partenaire, on va dire très connu de la Team 3D, bah, qui pour moi n'était pas du tout une surprise, je sais pas pour vous, Jeff Hardy. Ouais, non, c'était assez prévisible finalement tout au long de la soirée. On pouvait s'y attendre que Jeff Hardy soit présent dans ce show-là. Ah oui, surtout dans ce genre de match, sachant qu'il les connaît par cœur, les gars autour de lui. Donc, Et le match a duré 9 minutes 54 secondes. Et remporté par Jeff Hardy et Brother Red. Et mine de rien, bah, à part le ladder match, je crois que il y a que des faces qui ont gagné ce soir-là. Pour revenir rapidement au parcours de Brother Hunt, il a été quand même 8 fois champion de corps à la WWE, donc bah, ça illustre un peu sa présence qui est somme toute logique dans ce pay-per-view, je trouve. Et voilà, ensuite, il était apparu la dernière fois à Hardcore Justice en 2010, dans un match à 3 où il est perdu contre Rhino, il y avait aussi Al Snow dans le match. Donc, qu'à vous penser surtout de ce finish controversé, je dirais, MP. Mais un finish qui est venu très rapidement, j'ai l'impression. 12 minutes seulement, je pense, de ce que j'ai ici. Puis pas beaucoup de tentatives de gagner le match. Je pense que c'était juste la deuxième tentative de placer un mec sur la table et d'essayer de justement de gagner le match. Puis c'est un début de match en plus lent, presque un début de match tag team normal. On n'a pas utilisé un peu la règle tornado d'y aller avec tous les quatre mecs en même temps. On a commencé ça en tag match classique, ce que j'ai trouvé bizarre, surtout que c'est un match très court, puis on aurait dû monter l'intensité plus rapidement, vu que tu as justement 12 minutes seulement, donc essaie de concentrer ces 12 minutes-là, d'avoir le plus d'action possible dans ces 12 minutes-là. Finalement, j'ai commencé à apprécier le match, et là, ça s'est terminé rapidement, donc je trouve que c'est dommage. Puis j'aimerais aussi noter l'excellente promo de Bully Ray avant le match. D'abord en backstage, mais par la suite sur la ring. Puis il nommait par exemple des noms de gars que ça pourrait être les partenaires de Spike Dudley ou Brother Hunt à l'Athéna. Puis il a dit par exemple, il a nommé Dreamer, Sandman, Sabu. Même Baz Maloney aussi, qui aurait pu être le partenaire seulement de Brother Run, mais je trouvais ça bien de justement de peut-être essayer d'amener un effet de surprise, là, mais je pense que Jeff Hardy était quand même assez prévisible. Mais c'était quand même un bel effort de Bully Ray, qui est toujours excellent au micro, quoi. Et oui, mais surtout, oui, c'est sûr qu'ils ont surfé sur cet effet, parce que c'est vrai que avec Devon à l'époque et Spike à l'époque dans les années 90 à ECW, il y avait énormément d'action, de la folie, c'était surtout là qui s'était illustré. Ensuite, au tout début, dans les fameux ladder match, notamment un tables match qu'il y avait à WWE au tout début des années 2000, c'était un peu reconstruit. Et sinon, une petite remarque, en fait, Bully Ray n'est pas apparu avec le titre de champion TNA. Ça, j'ai trouvé assez curieux quand même, qu'il soit pas apparu avec. Je sais pas ce que t'as pensé, Sébastien. Moi, ça me surprend pas dans la mesure où le pay-per-view est enregistré et on sait très bien qu'il sera diffusé des mois après. Donc, qui sait, si ça se trouve, Bully Ray aurait pu se blesser ou peut-être que les plans auraient pu changer et qu'il y aurait eu un nouveau champion du monde entre temps. Donc, je pense que la TNA n'a pas voulu prendre ce risque. Donc, j'ai pas été choqué là-dessus. Et ça a été filmé en mars, non? Ouais, c'est ça. Le 20 mars. Est-ce qu'il avait gagné il avait déjà gagné le titre? Oui, il avait gagné parce que déjà il était un membre des Season Ace, là, en fait, dans le pay-per-view. Ah oui. C'est une indication. Quelques jours après, finalement, quoi. Oui, voilà. Un peu après lockdown, ouais. Ouais, je suis un peu d'accord avec Sébastien. C'est un peu un risque parce que là, tu sais pas quand tu vas voir enlever le titre. Par exemple, si je sais pas, Bully Ray, il se blesse ou un truc du genre, tu vas peut-être devoir amener le titre, tu vas pouvoir mettre le titre vacant ou un truc du genre. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour cette pay-per-view-là de pas montrer les ceintures autant majeures, le titre World Heavyweight que le titre Tag Team ou cette exhibition, parce que sinon tu sais pas trop qu'est-ce qui va arriver. Des fois, des fans de contrats un peu comme Rob Van Damme qui s'en va, donc tu peux avoir des problèmes de ce côté-là. Puis d'ailleurs, je trouve ça dommage de les enregistrer à l'avance parce que là, on a souvent des problèmes parce que t'as des mecs qui sont partis. Puis d'ailleurs, C'est dans le. J'ai vu ça, le cover, la couverture du DVD de du One Night Only Joker's Wild Tournament, qui s'est déroulé le mois dernier, je crois. Puis, il y a Joey Ryan sur la couverture qui vient de d'être viré. Ah, c'est vrai que c'est l'arrêt, ouais. C'est les problèmes des pay-per-view enregistrés, hein. Sinon, Sébastien, je sais plus si tu avais donné ton avis sur le match en particulier. Bon, je vais être juste rapidement donner peut-être mon avis. Ouais, c'est vrai que moi, personnellement, déjà, j'ai. À un moment donné dans le match, je me suis dit. Ah, bah oui, c'est vrai que c'est un match de table, parce qu'en fait, ça m'est totalement sorti de la tête. À un moment, je pensais que c'était vraiment un match classique 2 contre 2. J'avais totalement zappé que c'était un match en table, tellement cet objet n'a pas été utilisé dans le combat. Et petit coup de gueule quand même sur la fin, parce que le pay-per-view est enregistré des mois à l'avance. Et on a vu que la fin était un petit peu botchée avec la table qui n'a pas totalement craqué au moment où Jeff Hardy a sauté sur Devon. Et je pense qu'ils auraient plus largement réenregistré le finish ou réaménager ce petit défaut, parce que comme c'est enregistré, justement, ils auraient pu en profiter. Et je comprends pas que la TNA n'ait pas choisi de refaire cet angle-là. Mais bon, que voulez-vous? Ça va finir avec un gros spot à l'arrivée, ça fait un raté dans une assez grosse indifférence. Donc, c'est dommage. Un raté dans une soirée ratée. C'est très symbolique finalement. Donc si on a fait un petit peu le tour, on peut passer au rendu global avec la fameuse note sur 10 qui risque d'être fameuse, j'imagine. Si vous êtes partant. Ben oui, c'est parti. Donc, MP sur 10, quel est ton rendu global du pay-per-view? Moi, j'ai donné 4, puis j'ai donné un point pour les lunettes de Doc et un point pour le poisson. Donc, quelle générosité! Ah oui, pas mal, oui. Et Sébastien, un peu plus généreux. Moi, vu que je ne donne pas les points pour les lunettes et pour le poisson, donc je vais descendre à 3. Parce que c'est vrai qu'à part le match de l'échelle, on ressort pas forcément satisfait de cette soirée. Eh ouais. Ben, moi, je vais être d'accord avec ta note, parce que je vais aussi mettre 3. Et ma note serait encore pire s'il n'y avait pas eu le ladder match qui a une part importante, je dirais, dans la note qui aurait pu vraiment être pire. Et du genre 2, je pense que je mets 1 pour le ladder match. Sinon, ouais, c'est vrai que c'était incroyable. C'était pas un hommage hardcore, donc voilà. À ce qui fait une moyenne très limpide, hein, divisé par 3, c'est très limpide, c'est du 3,33. Voilà. Ah, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait plus une aussi mauvaise note. Ben, un petit conseil, allez voir les Monster Buzz ou Bonnes for Glory, les derniers Bonnes for Glory, là, Mick Foley contre Abyss, allez voir les. Le match Bonnes for Glory 2005, le Monster Balls, qui est très gros match avec Jeff Hardy, Rhino, Raven, je pense. En tout cas, c'est un gros match. Je l'ai d'ailleurs sur DVD, donc c'est toujours un match qui est le fun à voir parce que c'est 15 minutes, mais c'est non-stop, quoi. Donc c'est vraiment cool de le voir, quoi. Eh oui. Ben, il y a 3 ans, ils avaient parfaitement réussi leur pay-per-view hommage à l'ECW et là, ils ont complètement raté leur truc, ouais. Je sais pas, ils ont fait un pot pourri. Petite réaction, auditeur de Dame Catch qui a dit que c'était un One Night Only très moyen avec seulement ladder match qui mérite le coup d'œil. Pour le reste, c'est soporifique avec un main event endormissant. Voilà. Endormant. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec lui, c'est sûr. Donc, s'il n'y a rien à rajouter, on va le mettre de côté et puis on va surtout. Se concentrer sur le prochain One Night Only en août qui va être hyper explosif, lui par contre. Je sais pas, Sébastien. Sur le papier, ouais, c'est ouais. Effectivement très très alléchant sur le papier. On va voir si ça se concrétise avec par exemple quelques matchs. Alors je les ai plus en tête exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du. Jeff Hardy contre Austin Aries. C'est exact. La Bobby Roode contre James Storm. C'est un gros match aussi. Il y en a un autre qui m'échappe. James Storm contre Bobby Roode. Oui, c'est ça. Ouais. Kurt Angle contre Samoa Joe. Voilà, c'est ça. Oui. Et ouais. Donc, 3 gros matchs, quoi. Et oui, au moins, oui, parce que c'est vrai que l'affiche, niveau féminin, ce sera Gail Kim contre Red Sky, ce qui est plutôt pas mal. Les deux knockouts, on va dire, représentatives. Il y a c'est aussi la frustration des 10 années. Sonjay Dutt contre Petey Williams contre Kenny King. Oui, effectivement, oui, pas mal tout ça, oui, ma foi. Ça s'annonce bien. Célébration des 10 ans, enfin maintenant un peu plus, mais voilà, globalement ça, quoi. C'était, voilà, avec de grosses rivalités, plus ou moins anciennes, bah, qui vont être sympas à revoir, je pense. J'espère que la foule d'Orlando sera un peu plus animée cette fois-ci. Là, quand même, hein. Là, on... Et s'il leur a proposé en face, ça, je comprendrais pas. Ils n'en sont capables, c'est ça le problème, effectivement. Mais bon, on va se concentrer sur l'in-ring. On verra bien. Donc voilà, après, bon, ben, si on a fait le point sur les One Night Only, on peut passer au bref maintenant. Allons-y. Vous êtes d'accord, voilà. Avec des départs. Donc avec plusieurs contrats qui ont pris fin d'un coup. C'était surtout entre le 2 et le 3 juillet, il y a eu une grosse crise. Ça a commencé avec Madison Rain, qui a été quand même 4 fois champion de knockout et 2 fois champion de knockout par équipe, qui était absente évidemment depuis plusieurs mois parce que elle était enceinte forcément, c'était davantage des congés maternité, bien sûr. Et puis là, finalement, fin de contrat, pas renouvelé. Donc voilà un départ. Ensuite, c'est beaucoup le Gutschek qui a été frappé avec Christian York, Sam Shaw, Tyler Hendricks qui ont été virés. Et puis aussi Joey Ryan qui est un petit peu arrivé par ce biais. Et l'autre viré, Hendricks, c'était... Oui. Hendricks d'ailleurs qui a demandé à être libéré de ce contrat. Ils l'ont pas viré. Officiellement, c'est ce qu'on a su dans les news. Ah d'accord, ok. Ouais. Ah ok. Bon, sinon j'ai viré Sam Shaw à l'insu de son plein gré, autant pour moi. Mais par contre, en vrai viré, lui c'est Crimson, qui celui à la fameuse streak pendant quelques temps, qui n'avait pas grande signification. Il est arrivé en 2010 comme le pseudo-frère de Amazing Red, et puis qui finalement, sans gloire... quitte l'affaire. Mais le grand départ en fait à sa demande, c'est Matt Morgan. Je pense qu'on va davantage en parler. Le 10 juillet, suite à sa propre demande, il a quitté la TNA. En fait, depuis un mois, il avait demandé déjà à partir. Donc, il était apparu une seule fois d'ailleurs sur le dernier mois. Son dernier match aura été un match qualificatif pour Bound for Glory Series, qu'il avait perdu le 13 juin. Et il expliquait comme raison, c'est mieux pour ma carrière et ma famille. Il a comme palmarès, alors qu'il était arrivé en août 2007, il a été 2 fois champion par équipe. Et Hernandez et Crimson. Et au milieu, il s'était un petit peu désolidarisé d'Hernandez, il avait tenu brièvement les titres par équipe tout seul. Bon, Sébastien, je crois, n'a pas trop apprécié ce départ, je pense. Ouais, c'est vrai que j'ai été déçu, parce que moi j'ai toujours apprécié Matt Morgan, je trouve que c'est un talent qui est assez unique, il est grand, il est puissant, il est quand même assez agile, je trouve qu'il est plutôt pas mauvais au micro et qu'il se débrouille plutôt bien dans un ring, donc moi j'ai été déçu de ce renvoi, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Je me rappelle qu'il avait eu un run il y a quelques années en tant que number one contender pour le titre de Jeff Hardy qui était champion à l'époque en heel et Morgan était face. Moi j'ai plutôt apprécié ce run là, je trouvais qu'il s'est pas trop mal démerdé, mais apparemment il n'a pas eu les bonnes grâces des officiels sur ce coup là, on voyait de moins en moins à Impact et petit à petit il a coulé un petit peu sous les flots et c'est dommage. J'espère qu'on le verra rebondir ailleurs, peut-être à la WWE, parce que je sais qu'il y a un intérêt certain envers lui. Et donc j'espère qu'on le retrouvera là-bas. Et oui, et d'ailleurs, il y avait aussi une réaction d'une auditrice, Sophie Thévenet, sur le Facebook de WSS Radio. Vous pouvez donc réagir, vous serez cité à l'antenne, qui disait « C'est dommage, je l'aurais bien vu faire un face turn et devenir le héros qui aurait libéré la TNA des The Season 8. Et pour l'instant, il n'a signé avec aucune autre fédération, donc un cas à suivre. Enfin, » c'est vrai qu'il venait de la WWE, donc possiblement il pourrait y revenir. Surtout avec son gabarit qui est assez touché. D'ailleurs, il y avait des gros plans avec Morgan, avec toute cette storyline avec Hulk Hogan qui avait été développée lors des derniers mois. Puis finalement, après cette défaite contre Sting, on n'a jamais eu de nouvelles de lui, quoi. À part cette apparition il y a quelques semaines dans ce four-way pour se qualifier dans les Bound for Glory Series, mais On l'avait pas trop vu dans les derniers mois. Puis pourtant, on pensait qu'il y avait une grosse storyline qui se développait entre lui et Hogan, quoi. Mais finalement, ça n'a jamais eu, de développement dans ce cas-là, quoi. Un peu comme l'Athéna, comme il arrive souvent à l'Athéna, quoi. Sinon, là, j'ai une petite réaction, à mon avis, qui symbolise un petit peu le contexte à TNA. C'est de Joey Ryan qui a réagi sur son renvoi et qui a dit: je savais qu'il y allait y avoir des licenciements pour faire des économies budgétaires, et pour être honnête, après la storyline avec Matt Morgan, il m'utilisait tellement peu. Lorsqu'on ne m'utilisait pas, j'étais à la maison en train de collecter les chèques de paye. C'était trop beau pour être vrai. Ils m'ont payé pendant des mois pour que je reste chez moi. Ashnou m'a appelé et m'a dit: ce n'est pas contre toi ou ton travail, ce sont juste les coupes budgétaires. Je sais que le fait d'être sur la route leur coûte plus cher. Ils essaient de rendre la fédération la plus rentable possible. C'est une décision à prendre. Il leur fallait virer des gars sans affecter les storylines actuelles. Je ne suis pas aigri, je comprends la situation. Voilà. Bah, d'ailleurs, on peut extrapoler sur les difficultés de la TNA actuellement. Pas mal de rumeurs là de salaires impayés qui font peut-être ça, ouais, comme il le dit, Joey Ryan. Ben, j'ai vu une nouvelle justement dernièrement qui expliquerait peut-être cette chose, qu'il y avait de l'argent qui venait de partenaires de la TNA qui venait en retard, donc qui expliquerait peut-être pourquoi les catcheurs sont payés en retard, mais on voit quand même que la compagnie a certains problèmes de fonds parce qu'ils sont pas capables de payer leur talent à terme, donc on voit que c'est pas nécessairement une compagnie comme la WWE qui a beaucoup de fonds derrière et qui peut se permettre, par exemple, d'avoir des trucs de l'argent qui rentre en retard de certains partenaires. Mais on voit quand même que le côté qui vont sur la route, quoi, ça prend beaucoup d'argent. Puis il faut qu'ils fassent des coupures à quelque part. Puis c'est pour ça qu'il y a eu ces coupures-là, que du talent qu'on ne servait pas, qu'on a décidé de laisser partir, quoi. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur cela, Sébastien. Ouais, c'est vrai que moi je peux comprendre qu'il y a des coupures budgétaires parce qu'il y a moins de rentrées d'argent, tout simplement. Hein. Ça coûte beaucoup d'argent d'aller sur la route. Ensuite, ils ont essayé aussi de faire des impacts en direct. Ça coûte aussi pas mal. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la suppression des pay-per-view tous les mois. Mine de rien, c'était quand même une rentrée d'argent supplémentaire. Là, il n'y a plus que 4 pay-per-view. Donc cet argent-là ne rentre plus. Il y a également les audiences qui sont moins bonnes depuis que Impact est sur la route que précédemment lorsqu'elles étaient à Impact Zone. Et tout ça mis bout à bout, forcément, il faut faire des coupures quelque part. On peut pas dire que les Monday Night Only c'est un grand succès parce que ils ont presque pas de publicité à Impact pour les promouvoir, quoi. Donc on peut penser qu'ils font des moins bons chiffres qu'ils faisaient avant, quoi. Ouais, totalement. Donc, c'est un gros problème de ce côté-là. Ah oui, déjà qu'ils font maximum 10 000 ventes sur les pay-per-view normaux, là, comme Genesis là, cette année, par exemple. Donc, c'est un peu. Puis la grosse piste de risque, c'est peut-être de faire moins de pay-per-view pour avoir plus de ventes au final, mais ça ne semble pas fonctionner finalement, quoi. Ouais. Ça donne pas des gros chiffres, quoi. Une idée qui aurait pu être bonne au départ de Rick Bischoff, et là, finalement, ben, ça. Ça porte pas ses fruits, effectivement. Voilà. S'il n'y a rien à rajouter, ben, on a un dernier sujet à parler. Beaucoup plus sympa et beaucoup plus sportif, je dirais. Les Bound for Glory Series, bien sûr, avec le point. Avec déjà le petit classement complètement à jour après le dernier Impact qui s'est déroulé la nuit dernière. Avec un leader qui a raffermi son pouvoir complètement parce qu'il a gagné 25 points en plus. Magnus qui est en tête avec 49 points. Ensuite on trouve deuxième Samoa Joe 19 points. Troisième Jeff Hardy 17 points. Quatrième Christopher Daniels 14 points. Cinquième AJ Styles 12 points. Ensuite on trouve Mr. Anderson, Austin Harris et Hernandez avec 7 points. Puis Jeff Bradley, Bobby Roode et Kazarian 0 points. Et bon dernier Joseph Park moins 10 points. Bon, la raison un petit peu c'est que la victoire par tombée coûte 7 points, la victoire par soumission coûte 10 points, ensuite un match nul coûte 2 points, la disqualification c'est moins 10 points donc pour Joseph Park, et la victoire par disqualification rapporte 3 points, voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Sébastien a fait un très bon article sur les chances de vainqueur. Je crois que Magnus, tu l'as aimé assez bien, il me semble, non? J'ai plus les chiffres en tête exactement, mais je l'ai mis, je crois que j'avais mis 15 ou 20%, je crois. À mon avis, il finira dans la finale, forcément, les quatre derniers, il y sera. Mais je pense que c'est pas le moment pour qu'il soit prétendant numéro un pour la ceinture mondiale à Bound for Glory. Il est encore un peu jeune finalement pour obtenir cette place. Et surtout, il est impliqué dans la Main Event Mafia. Donc, je pense que ça va se conclure dans un match, peut-être un Lethal Lockdown à Bound for Glory contre les Aces and Eights. Mais quoi qu'il arrive, je ne le vois pas finir, sauf véritable exploit en tant que gagnant de ce Bound for Glory Series. Eh Moi, oui. je serais plutôt de notre avis parce que moi, je pense que Magnus va gagner cette Bound for Glory Series parce que AJ Styles, en ce moment, qui était le grand favori, je sais pas si on peut dire ça, mais plusieurs personnes qui regardent la TNA se disent que c'est plutôt AJ Styles qui est en bonne position pour gagner. Mais AJ Styles, depuis son retour, son personnage est très vide. Pas beaucoup d'évolution de ce côté-là, puis c'est un personnage qui peut vraiment qui obtient pas tant de réactions que ça, quoi. Puis je pense que Magnus c'est le bon moment de pousser un jeune dans le main event, quoi. Souvent les critiques envers Athéna, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes dans le main event. Puis finalement quand on a un bon jeune, pourquoi pas essayer de le mettre en avant. Puis je pense pas que c'est trop tôt pour lui. Il est très bon micro. Il y a des bonnes performances dans le ring. Chaque semaine à Impact, c'est des bons matchs avec Magnus. Puis, surtout, quand on pense à TNA, le gros marché pour eux, c'est quoi? C'est l'Angleterre. Donc, quand t'as un favori de la foule comme Magnus qui vient de cet endroit-là, justement, pourquoi pas capitaliser? Donc, je pense que c'est presque le moment idéal, quoi, de mettre Magnus avec la ceinture. Puis, tu peux vraiment avoir un programme original à Bound for Glory, quoi, de boulerer Magnus, je pense. Ça peut donner quelque chose d'intéressant, quoi. Mais à mon avis, il a l'indication qu'il ne gagnera pas, c'est qu'il a une telle avance actuellement dans le classement des Bound for Glory Series que je le vois mal finir. Ça me paraît tellement. Ce serait pas surprenant en fait vis-à-vis des fans qu'il gagne vu l'avance qu'il a. Ça se joue en demi-finale, et ça c'est le piège. C'est vrai que l'année dernière, je crois que c'était pas le premier qui avait gagné. Donc non, Bouliré n'avait pas fini premier, donc. Ben voilà. C'était Jeff Hardy qui avait gagné. Oui, j'ai une bêtise, c'était Jeff Hardy, oui. Mais Jeff Hardy n'avait pas terminé premier, je crois que c'était James Storm au oui, niveau c'est ça. des points. James Storm avait pris pareil, une énorme avance, et puis voilà. Il faut se méfier, mais après Magnus, ce qui peut pousser derrière lui, c'est qu'il y a déjà Dixie Carter qui l'adore. Ça s'aide beaucoup. Déjà qu'il a de bonnes qualités, franchement. En plus, il fait partie de la Main Event Mafia comme Samoa Joe, donc dans ses Bound for Glory Series, ça peut donner l'avantage. Dans la story du clan là contre les Aces and Eights. Ça fait totalement du sens de faire gagner ton face au plus gros show de l'année, ton face d'un clan de face quoi, qui vient gagner contre le clan d'Heel. Donc ça fait totalement du sens de ce côté-là, je pense. Je sais pas si la TNA osera vraiment faire ce coup de poker parce que c'est quand même un coup de poker. Le gars est quand même encore assez jeune dans sa carrière et tu le mets directement dans le main event de ton plus gros show. C'est vrai que c'est un risque et je sais pas si la TNA osera le prendre, sachant notamment qu'elle a des difficultés financières actuellement. Je sais pas s'ils vont avoir les ben, coucougnettes de le faire. Entre mettre Magnus et mettre AJ Styles ou je sais pas un mec, t'auras pas vraiment de différence financière là. Je veux dire, entre faire un main event AJ Styles contre Bully Ray ou Magnus contre Bully Ray, je pense pas que ça va tant faire hausser les chiffres que ça, quoi. Si tu mets AJ Styles au lieu de Magnus, quoi. C'est pas comme si t'allais avoir 5000 ventes de plus si tu mettais AJ Styles dans le main event, quoi. Je ne sais pas. Wait and see. Eh oui, on verra bien. Et bon, en attendant, bon, je vais vous demander vos pronostics, mais avant, on avait lancé le sujet sur le Facebook. Et on a quelques pronostics auditeurs avec Ludovic Rivière qui a lui pense que ce serait Justice qui gagnera. Nasser Mzembaba qui a dit de même pour moi cette victoire sera la cerise sur le gâteau de son comeback. Après il y a eu un important turnover sur les participants de cette année qui permettra d'éviter la répétition des mêmes affiches pour chaque édition des séries. Et Attitude Catch a dit Mr. Anderson, voilà le nouveau vice-président des Aces and Eights, dans le deuxième rôle derrière Bully Ray. Donc je ne sais pas là par rapport aux chances MP, tu penses que ce sera qui pour toi qui va gagner? Ben moi j'ai dit, c'est, je pense que c'est Magnus. pour les raisons que j'ai citées, que c'est un nouveau nouvelle tête d'affiche qui pourrait être intéressante pour Athéna. C'est un face qui pourrait être important pour la compagnie justement dans les années à venir, avec surtout le marché de la Grande-Bretagne du côté économique, c'est intéressant. Surtout qu'ils vont revenir en janvier prochain. Tu peux avoir Magnus en champion qui s'en va en Angleterre, ça peut être plutôt intéressant. Bon, du côté logique, je pense que ça pourrait le faire, même si t'as, comme plusieurs le mentionnent, Gestal, qui est logique aussi avec son retour de avec cette période d'un an sans titre, de le faire gagner à Bonnefoy Glory, parce que sa période d'un an sans chance au titre se termine là, donc ça ferait également beaucoup de sens aussi, mais j'ai beaucoup de problèmes avec Gestal, justement, en ce moment de le personnage qui n'évolue pas vraiment, qui est un personnage plutôt froid, quoi. Donc, voilà. Sébastien, tu penses qui ? Alors, si je mets de côté l'hypothèse qui me fait terriblement froid dans le dos, comme quoi Hulk Hogan affronterait Bully Ray, ce serait tout simplement terrible. Mais je resterai sur AJ Styles à cet instant-là. Je sais qu'il y aura encore un match à destination X, donc peut-être que Bully Ray va perdre sa ceinture. Il y a une toute petite chance que ça arrive et il faudra voir à ce moment-là. Ça va peut-être changer mes prédictions, mais pour le moment, je reste sur AJ Styles. Ouais, d'accord. Moi, je serais presque tenté de suivre AJ Styles, mais finalement, je mets Samoa Joe parce que lui, il mérite un nouveau run. Franchement, j'aimerais bien qu'il soit un nouveau champion. Franchement, enfin, ça fait depuis un moment qu'il n'y a plus de vrais titres. Et ce serait assez intéressant, même s'il y a eu le titre par équipe, bien sûr, et tout. Il n'y a pas non plus hyper longtemps, mais bon, quand même. Il mérite un gros run solo, donc j'aimerais bien le voir comme ça. Ouais. Mais sinon, oui, Sébastien t'en parlait, le prochain grand rendez-vous, c'est tout simplement jeudi prochain, Destination X. En fait, c'est pas vraiment un pay-per-view, c'est un show weekly, mais ce sera pas Impact Wrestling, mais ça s'appellera Destination X, donc avec la X-Division en valeur. Et puis le fameux match en main event entre Bully Ray et Chris Sabin. Le champion X-Division qui a fait comme Austin Harris l'année dernière et qui a donc accepté de cacher, on va dire, son titre X-Division, de l'abandonner pour avoir cette chance de titre mondial. Donc après, Sébastien t'a dit qu'il y avait des possibilités qu'il soit sérieusement champion, donc il vaut mieux pour lui, sinon il repart sans rien. Ce serait dommage. À moins qu'il suive la trajectoire d'Harris, c'est ce qu'on peut lui souhaiter, mais en même temps. Moi, franchement, personnellement, pour faire un pronostic rapide, je vois Bully Ray le conserver, je ne vois pas perdre là comme ça sa ceinture. Mais pour revenir à l'idée du fait que Bully Ray perdrait peut-être la ceinture, c'est vraiment basé sur les storylines, parce que ça fait un an que Hulk Hogan et Bully Ray sont en conflit, et finalement ce serait quand même le cheminement logique d'un point de vue storyline que Hogan affronte Bully Ray à Bonnefoy Glory. Mais je me dis que si ça doit arriver, le titre ne sera pas en jeu, et dans ce cas-là, Chris Sabin pourrait remporter le titre à Destination X. Ou alors, d'ici le mois d'octobre, éventuellement, il peut y avoir un match de championnat qui sort, on ne sait pas où, mais je ne sais pas. Honnêtement, c'est vrai que le 24 Bonnefoy Glory Series a son match de championnat à Bonnefoy Glory, donc pas précis. Je vois pas Hogan lutter en 2013, de toute façon. Je pense que ça va être un représentant d'Hogan qui va lutter, qui va gagner le titre de ce côté-là, quoi. Ouais. Je vois pas. Hulk Hogan, ouais. Ah, c'est comme ça hein, qu'ils vont divorcer. Il faut bien régler ça, hein. C'est vrai. Mais oui, non, effectivement, parce qu'en plus dernièrement, Hulk Hogan, il s'était pris la crise. Il avait dit, oh, pourquoi pas un dernier run de champion. Mais suite aux réactions, il avait dit non, je déconne, en fait, je me vois pas trop de retour sur le ring quand même. Donc, honnêtement, c'est vrai que je serais assez d'accord avec MP sur ce point de vue-là. Mais il y a encore Sting dans le coin, il a plus droit à un match de championnat, donc d'où mon hypothèse que Bully Ray ne serait plus champion avant de faire Glory, et puis comme ça, c'est réglé, Sting l'affronte, et puis on boucle la boucle. Sachant que Sting pourrait partir ensuite, donc à la WWE, peut-être. Juste sur Destination X, il y a juste deux matchs qui viennent d'être annoncés pour ce mini pay-per-view, on va dire. Ah oui. Il y aura le rematch de Destination X 2012 entre Austin Harris et Bobby Roode. Ce sera un match qui comptera pour le Bonnefoy Glory Series. Et il y aura également le premier match de qualification pour le tournoi pour déterminer le nouveau champion X-Division qui a été laissé vacant. Ah, d'accord. Eh oui, effectivement. Et Dix Carter a annoncé des noms justement qui vont être aussi présents pour ce show. Il y a Sonjay Dutt, Homicide, Petey Williams, Chavo Guerrero, Kenny King et Mané qui vont être en action lors de ce show, apparemment. C'est ce que Dix Carter a annoncé, donc. Oui, c'est une certaine logique en même temps. C'est vrai, les gars qui sont un peu sous contrat ou qui te retournent la tienne. Et donc, ouais, ce serait assez logique qu'un de ceux-là. Moi, j'aurais une préférence pour Petit Williams, bien sûr. Mais voilà. Et Manic, petite précision, c'est Suicide avant, mais depuis que Austin Harris avait endossé sa tunique, bah, il a été renommé ensuite, malheureusement. Alors qu'en dessous, c'est TJ Perkins. Donc, bon, personnellement, je trouve pas trop intérêt à renommer, mais bon. Bref. Pas trop, je trouve pas qu'il y ait vraiment d'intérêt aussi à démasquer, le remettre sur ce personnage-là. En plus, là, c'est pas un changement de gimmick, là. On a seulement changé quoi le nom, quoi. Donc, exactement le même costume, exactement le même personnage. Donc, dommage. Donc on referme ce paragraphe des brèves et tout ça, ou il y a quelque chose à rajouter? Peut-être une dernière nouvelle, mais bon, ça fait un certain temps maintenant qu'on le sait, les ceintures féminines par équipe qui ont disparu, et j'ai envie de dire enfin. Eh oui, et Et les... le titre de champion TV Effectivement. Bah, qui celui-là, ils n'existe savent plus. pas trop encore. Hein. Ils savent pas trop encore. Est-ce qu'il faut revenir ou pas? Ils savent pas encore. Qu'Abyss est censé détenir, mais bon. C'est un titre qui a jamais décollé, c'est sûr. Donc, on peut passer maintenant à la liste des partenaires. S'il n'y a rien à rajouter. Non, on peut C'est bon. passer au partenaire. Donc, avec FN Lutte, Vox Catch, où vous pouvez lire notamment ma review, je vais faire la pub personnelle de Dark Horse Justice 2, justement. Voilà. Et bah, plusieurs chroniques assez sympas aussi, dont l'événement chaque jour qu'il y a eu par le passé. Plutôt pas mal. La Wrestling Evolution League aussi comme partenaire. Instant Catch, donc avec le match, ladder match, donc entre Bad Influence et Jericho Shawn Me qui va sortir sûrement même avant que le podcast soit sorti. Donc vous pourrez voir sur le Facebook et le compte Twitter. Ensuite, Catch the Loom, Révolte, la radio de Kevin, qui reviendra lors du prochain podcast Sunday Night Wrestles la semaine prochaine, qui sera consacré à WWE Money in the Bank. Sinon, évidemment, le Twitter de Wrestles Radio, arrobase Wrestles Radio, le Facebook Wrestles Radio officiel, le compte YouTube Wrestles Radio, le compte iTunes Wrestles Radio, qui est redevenu actif depuis un mois, je crois, MP. Oui, tout est à jour en ce moment. Puis ce podcast-là va être rajouté à iTunes aussi. Donc, c'est un peu plus long que la sortie normale, là, le temps que je le mette sur le site et que ça se rende sur iTunes. Mais normalement, dans les heures qui suivent, c'est là. Donc, vous pouvez écouter les choses justement sur iTunes, que ce soit sur votre iPod, iPad ou iPhone, quoi. D'accord. Et pour finir la liste des partenaires, il y a également Catch Ultra. Et j'ai rien oublié normalement, c'est bon. Oui, c'est vrai, Sébastien, on a oublié. Oui, l'actualité un petit peu pour finir. C'est vrai que la Main Event Mafia donc avait plusieurs membres. Sting, Kurt Angle, Magnus, Samoa Joe et le dernier c'est... Rampage Jackson. Ah oui, celui qui avait joué dans le film L'Agence Touriste, qui est sorti il y a 2-3 ans, je crois, je sais plus. Je l'aime bien en plus, celui-là, j'ai sur mon disque dur. Il faisait le rôle de Barracuda, bien sûr. Anciennement tenu par Mr. T, voilà. Voilà pour la petite histoire. Sinon, oui, ben, le coucou à Shana, c'est vrai qu'on vous avait laissé avec son excellente interview pour le gut check. Malheureusement, elle a terminé deuxième des votes derrière le lutteur allemand Bad Bones. Donc voilà, bon bah après ça veut pas dire non plus qu'elle aura pas une chance honnêtement. Quand on voit que Bigot par exemple a fait le gut check, finalement il a pas été pris alors qu'il avait fini cinquième, donc après tout, je dirais que ses votes n'ont pas une Et grande. que Ryan Howe aussi a été faire le gut check, l'ancien Skid Marks de Tough Enough en 2011. Donc, pas non plus un grand talent. Donc, Ouais, c'est bizarre, mais bon je le gut pense que check Shana a c'est des aussi. chances. Mais le Gotchek, ces temps-ci, je crois qu'ils veulent pas recruter, ça se voit. Bon, monsieur, on a fini, on peut conclure. Vous pouvez nous joindre par mail à l'adresse tout attaché en minuscule wesselsradio@gmail.com. Vous pouvez bien sûr aussi réagir par Twitter, en Twitter, donc @wesselsradio, et sur notre compte Facebook officiel, sur un peu tout ce qu'on publie, comme ça. Vos réactions pourront être données dans le podcast. Le prochain, ce sera donc la semaine prochaine consacrée donc à WWE et au pay-per-view Money in the Bank, avec le retour de Rob Van Dam notamment. Et le retour de Kevin donc. Et voilà, bah, ça risque d'être aussi pas mal animé. Et pour la TNA, bah je sais pas, je crois qu'on reviendra sans doute après le fameux pay-per-view des 10 ans, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, je pense, avec ces gros matchs-là, donc... Et Destination X se sera passé, donc à mon avis, il y aura pas mal de choses à dire. Donc on peut fermer la musique. Vous pouvez aussi réagir sur le forum wrestle.fr. Oui, bien sûr, c'est vrai. Oui, j'ai dit pas Wessels, mais oui, effectivement. Oui. Bien sûr, là vous pouvez suivre l'actualité sur Wessels. C'est là aussi que les podcasts se sont publiés, bien sûr. Et puis, bien sûr, réagir comme Dame Catch, par exemple, voilà, qui a réagi sur le forum et donc on a cité. Tout est bon, je dirais, comme réaction, on prend tout. Tout est bon dans le cochon. Non, sur ces bonnes paroles. On va finir là-dessus. Oui, sur ces bonnes paroles. Eh bien, on espère que vous avez apprécié ce numéro. Ben, sinon, dites-nous ce qui vous a plu ou déplu éventuellement sur la durée ou autre. Ou commentez ce qu'on a dit, bien sûr. N'hésitez pas surtout, et donc rendez-vous prochainement, la semaine prochaine pour SNW, et le mois prochain pour un nouveau Impact Wrestles. Voilà. Et on vous laisse avec le theme song de When Not Only. Ah, ciao. Salut tout le monde. Ciao.